Stephen King aime la démonologie pour les nuls. Stephen King est parfois comme Han Kang et aime ceux qui reviennent. Stephen King a écrit Court Jimmy Court, Tom McLaughlin l'a adapté et Daniel Zellig-Burk en a réalisé la deuxième suite. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Hello. Comment vas-tu? Bon écoute, ça va. Et toi? Ça va. Quoi de nouveau depuis le dernier enregistrement? Bah la reprise du boulot, bah, ça fait mal au derche, hein, comme on dit. comme on dit dans les milieux polis. Hélas, pour toi. Ouais. C'est plus ou moins le message du Capital, hein. Le boulot, oui, ça fait mal au derche. C'est du Marx dans le texte, hein. Et puis bah voilà, hier j'ai découvert le film dont on va parler aujourd'hui. Je l'ai déniché dans une parapharmacie au rayon somnifère, c'était pas mal. Moi ça va que j'ai pris des notes parce que sinon j'aurais déjà oublié plein de trucs, hein. Ça fait 2 semaines que je l'ai vu. Puis voilà, et puis dans 2 semaines c'est la nuit d'Anarland, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais, la dernière nuit d'Anarland avec des films inédits, hélas, voilà. Mais ouais, faudra en profiter. Ouais, exactement. Du côté des news, Stephen King, on ne sait pas exactement sur quoi il travaille en ce moment, ni même s'il est en train de travailler activement sur un roman ou pas. Par contre, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais je ne m'en souvenais pas en tout cas. Si ça vous intéresse, Plein Gaz, sa nouvelle coécrite avec Joe Hill, a été édité en indépendant dans un petit livre à 3 €. Voilà, donc vous pouvez vous prendre ça. Parce que jusqu'à présent, c'était inaccessible, à part dans une compilation de... Enfin, dans un recueil de Joe Hill, justement. Ouais. Et elle est bien sympa. Du coup, je l'ai lu et c'est sympa. Et du coup, c'est vraiment un tout petit format. Oui, c'est 70 pages et écrit assez gros. C'est même encore plus petit que Élévation. Oui. On peut espérer qu'il fasse pareil avec Dans les hautes herbes, maintenant. Oui, bon, même à la limite, ils auraient pu sortir les deux en même temps. Ouais, peut-être qu'ils ont envie d'essayer de décaler. Après, je vérifierai. Hein. Non, on dirait que dans les hautes herbes, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas prévu. Visiblement, il y a une version papier aux États-Unis, mais qui est devenue rare, quoi. Ah ouais? Ouais. Qui a été publiée à l'occasion d'un événement un peu spécial, donc ça n'est plus dispo. Alors que chez nous, c'est que en e-book. Ouais. Triste. Eh oui. Bon, encore une fois, espérons, je pense que ça viendra bien un jour. De toute façon, tout va être édité de King, édité ou réédité. Oui, j'espère bien. Au niveau des nouveautés, c'est donc tout, à part qu'il y a de plus en plus d'images et une bande-annonce pour Marche ou Crève, que les premiers avis arrivent et qui sont plutôt très enthousiastes. Ouais. Donc, celui-là, j'ai de plus en plus hâte de le découvrir. Et si, il y a la date de sortie, je crois, précise pour Welcome to Derry qui est tombée. Et pour l'instant, on savait juste octobre, mais il me semble que là, ils ont annoncé la réelle date. Attends, je vais voir ça. Ah ouais, non, mais peut-être, effectivement. C'est pas comme si je suivais ces informations-là. Hein. Tu sais, moi, je regarde que les trucs qui m'intéressent. Ouais, mais du coup, informons nos auditeurs. Oui, oui, voilà, informons nos auditeurs, des fois qu'ils veuillent se farcir ça. Bah, de toute façon, on risque de devoir le faire, nous aussi, hein. Bah, nous, oui, et justement, si j'étais nos auditeurs, je serais pas con, j'attendrais qu'on y passe, et puis voilà. Le 26 octobre, voilà. D'accord, ouais, plus ou moins pour Halloween, en fait. C'est... Oui, voilà. J'imagine c'est que c'est le plan. Ça sera 9 épisodes, si j'ai bien compris. Eh ben, vivement. Et si on peut... On l'avait pas signalé la dernière fois que l'Institut a été renouvelé pour une saison 2. Non, parce que c'était pas encore décidé, effectivement, cette fois qu'il me l'a appris, et donc bah, l'Institut, on va peut-être attendre pour en parler, au moins de savoir comment se présentera la saison 2. Je pense pas qu'elle adaptera le roman, parce que si j'ai bien compris, la saison 1 termine d'adapter le roman, donc ça partira sur une nouvelle histoire. Ouais. Mais c'est un récit sur lequel je pense qu'il y a largement de quoi faire. Pour le coup, tous les retours sont vraiment très bons. Après, Monsieur Mercedes aussi. Oui. Mais il y a plus de retours sur l'Institut, tandis que Monsieur Mercedes, il n'y a quand même pas grand monde qui l'a vu, hein, en réalité. Ouais, bah après, la chaîne joue aussi, hein, tu sais, oui. Quoi, c'est HBO, il me semble, voilà, c'est quand même une chaîne un peu plus prestigieuse en termes de séries télé. Et pour le coup, l'Institut, c'est un roman que j'aime vraiment bien, donc ça me fera plaisir de tomber dessus et de le relire. Attends, je vais peut-être m'auto-corriger avant vraiment de dire de la merde. C'est HBO Max, mais il me semble pas que ça soit HBO qui produise. Ah oui, parce que c'est MGM+ qui diffuse à la base, donc c'est la MGM. D'accord. Donc Amazon. Donc Amazon, en toute logique, même si c'est pas diffusé chez nous, sur Amazon, c'est bizarre. Ouais, peut-être, mais pour le coup, c'est forcément la MGM, c'est totalement Amazon maintenant. Les gloubi-boulga de délire des droits en France, c'est compliqué. Ouais, je sais pas ce qui peut décider de ça. Alors chez nous, c'est diffusé sur le service HBO Max. C'est bien sur Prime Video, a priori, aux États-Unis, en tout cas. Et bah pas chez nous du coup. Bon, bah si ça les amuse, écoute. De toute façon, on donnera pas d'argent à Amazon, donc. Non, de toute façon, un tonton d'Amérique a déjà envoyé les cassettes chez moi. Par Voilà. contre, je vais pas mentir, mais la guerre des mondes avec Ice Cube, ça commence à me tenter sérieusement. Hein. Tout le monde dit que Alors. c'est horrible, Oui, moi aussi. que. Et. Je pense craquer. Ouais, et que c'est une énorme pub pour Amazon tout du long, je pense qu'un jour je vais céder. Hein. Je pense que je vais céder aussi. Lui, pour le coup, il est très facilement trouvable. Oh bah tu m'étonnes. Hein. Mais après, c'est un plan de génie de la part d'Amazon. C'est-à-dire ils ont produit un film qui passe sur leur plateforme pour faire de la pub pour leur propre plateforme. C'est-à-dire que les gens payent pour avoir une pub, en fait. C'est un peu feu glacé dynamite. Mais sans les bananes Chiquita. Donc, nous parlons aujourd'hui du troisième film de la série Sometimes They Come Back, qui en anglais s'appelle Sometimes They Come Back. For more, point d'exclamation. Ah, quel titre de merde. On dirait Machete Kill et Machete Kill Against, quoi. Oui, il y a un peu de ça, ouais. En français, il s'appelle juste Le Diable des Glaces. Ils n'ont pas particulièrement tenté de le connecter à Vengeance diabolique. En Et même temps, c'est vrai qu'il heureusement. n'y a plus tellement de vengeance dans ce film-là. Il y a du diabolisme, mais Il y a c'est du tout. diabolisme. Ça se trouve en DVD, si ça vous intéresse. C'est pas bien Ouais, cher. On un va le DVD spoiler. dégueulasse. Ouais, on va le spoiler, mais on ne va pas spoiler ni la nouvelle ni les deux premiers, parce que ça n'a plus aucun rapport. Donc Oui, bah, il n'y aura même pas de lecture de scène comparative, hein, du coup. ouais. Donc allons-y, on y va. Roulez jeunesse. Allons-y gaiement, roule la guinde, comme on dit. Created by Stephen King, TriMark Pictures takes you on a journey. Just get us as close as we can and we'll drive. Into the icy wilderness. Beyond a blinding snow. Don't move, I'll shoot! Where are the others? Deep beneath a desolate outpost. Suddenly he's reporting back out from the mines. He's found something down there. But he won't tell anybody what it is. You don't want to be out there when the temperature drops. A rescue team searches for an unseen enemy. From now on, we all stay together. It can't be explained. Nothing can survive. Nothing. Nothing living. It can't be escaped. These four points make the size of a larger pentacle. It takes no survivors. Somebody's moving bodies around this place. Survive out there, so can I. Between good and evil. Thou shalt see the formless fire. If a demon can complete a circle of eight, he can raise Satan himself. He's coming. The living. The earth shall be shaken. He wants you to go down there. And the dead. Eva shall rule the earth. If you leave us here alone, we're dead. Open it! Sometimes they come back for more. It's so scary. Le film se déroule dans une zone secrète de l'US Army en Antarctique qui fait du minage et un des membres de l'équipe pendant une tempête aurait tué quasiment tous les autres d'après un appel de détresse qui est reçu par d'autres membres de l'armée. Il y a deux militaires qui vont se rendre sur place toujours pendant la tempête pour enquêter et qui vont se rendre compte que peut-être, peut-être, il y a un démon derrière tout ça. Le titre VO donc atteste clairement l'idée d'une suite, parce que non seulement ça reprend le Sometimes They Come Back, mais t'as Again pour le 2 et For More pour le 3, donc t'as vraiment l'impression que ce sont des films qui sont censés suivre. Mmh. Mais ce film n'est pas dans la réalité des deux premiers, et en fait là où le deuxième avait quand même des thématiques en commun avec le premier, en commune avec le premier, où c'était quasiment la même histoire quand même, hein, on va pas se mentir. Oui. Là, le 3, il n'y a vraiment aucun rapport sorti du fait qu'il y a des démons. Mais bon, le nombre de films d'horreur où il y a des démons, voilà, il n'y a plus de lien réel. Moi, j'avais quand même un peu l'idée qu'ils avaient le scénario qui traînait dans un tiroir et qu'ils l'ont lié à la franchise juste pour essayer d'attirer 2-3 personnes. Parce que oui. Je ne vois vraiment pas ce que ça foutrait dans les Vengeances Diaboliques, sinon. C'est ça. Ils auraient pu appeler ça Démon 3, ça aurait été pareil. Oui, voilà, c'est ça. Il est produit par Trimark Pictures, comme le deuxième. Limite même, pour revenir là-dessus, ce serait plus cohérent de le lier à la saga La Malédiction, vu l'histoire, tu vois. Oui, c'est pas faux. Le réal, c'est Daniel Zelick Burke, qui depuis a réalisé un film appelé Damascus Cover en 2017 avec Jonathan Rhys-Meyer, que j'aime bien comme acteur. Ouais, mais le film a l'air très nul. Ouais, je cite le résumé IMDb parce que je le trouve génial. Un espion qui se meut dans les sables mouvants de l'amour et de la survie lors d'une mission d'infiltration en Syrie. Ouais, ça fait très thriller érotique italien des années 70. Ouais, alors surtout, en me renseignant, j'ai l'impression que c'est vachement lié à l'espionnage israélien, et pas pour dire du mal de l'espionnage israélien. Oui, on s'en doute bien. Politiquement, il a l'air chelou, le film. Hein. Et sinon, visiblement, le truc dont ils se vantent le plus et qui serait un peu le principal apport du mec à l'histoire du cinéma, c'est que c'est lui qui aurait fait se rencontrer John Travolta et Quentin Tarantino. Waouh. Ouais. Bah c'est super. Écoute, entremetteur, c'est un métier. Oui, c'est vrai. Le scénario est signé par Adam Grossman, le réalisateur du deuxième, et par Daryl Soler. Lui, c'est son seul crédit sur IMDb. J'ai cherché un peu, je trouve, un Daryl Soler qui écrit des livres, surtout orientés polar SF, donc est-ce que c'est le même ? J'en sais rien, j'ai pas trouvé de preuve, parce que dans ses biographies, il n'y a pas de mention d'une carrière de scénariste, mais en même temps, elle est tellement réduite que c'est pas particulièrement surprenant. Il y a un de ses livres, du coup, donc je rappelle, hein, orienté SF polar, qui s'appelle Speculum. Depuis, il est ressorti sous le titre Mindfall. Je comprends pas pourquoi, c'est vendeur, Speculum, comme premier titre. T'as tout de suite envie de l'acheter. Ah, oui, oui. Et ça t'intéressera peut-être, je l'ai noté pour toi, parce qu'il a aussi écrit Stop Yelling, Start Listening, Understanding Your Middle School Child et How to Be the Loving, Wise Parent You Want to Be Even With Your Teenager. T'as encore quelques années pour voir, c'est une interview avec Leslie King. Mais autant commencer à te former tout de suite, je suis sûr que le scénariste de Diable des Glaces, tu lui fais entièrement confiance. Ah oui, totalement. Pour t'aider oui. à éduquer ton enfant. Ah oui, oui. Surtout à l'adolescence. Ouais. Et s'il s'agit du même gars, il collabore aussi avec le Huffington Post. Voilà. D'accord. On va tout de suite passer au casting, aux rôles principaux. Donc, dans le rôle du héros Sam Cage, il y a Clayton Runner, qui a aussi joué dans Human Centipede 3. C'est surtout un acteur de second rôle et d'apparition dans des séries. En premier rôle, jouait une série appelée Good vs Evil en 99-2000 sur des flics qui combattent des Morlocks. Pourquoi pas. Okay. Il a un des rôles principaux dans le film Vengeance Diabolique. Lecture Diabolique, pardon. Ah, tu me dis. Ouais, non. Ça fait peur. Je dis, bah, non, Lecture Diabolique. Lecture Diabolique, je sais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais c'est Iron Man. Oui, d'accord. Ah, il est très bien. C'est ah, le, oui, d'accord. Tu le connaissais sous son titre anglais, toi. C'est de Tibor Takacs. Oui, Tibor Takacs, le réalisateur de Sanctuaire, c'est ça ? De The Gate. De The Gate, pardon. Je confonds les deux titres. J'avais The Gate en tête, mais je confonds les deux. Des deux The Gate, même, d'ailleurs, il me semble. Ouais, des deux The Gate, ouais. Ouais, que tu m'avais offert. Oui, qui sont très bien. Et puis même... Qui sont très chouettes. Et Lecture de Blix, c'est très chouette aussi. Ouais. Ouais. On s'est un petit peu marché sur les pattes. Donc il a un des rôles principaux dedans, et j'ai trouvé une interview de lui, il dit qu'il a fait le film évidemment pour l'argent, quelle autre raison de faire Le Diable des Glaces, qu'il trouve que c'est un désastre, mais que les gens étaient sympas sur le tournage. Ah, donc, voilà, il est français. Un... Oui, voilà. En même temps, je pense pas qu'il espère se faire de nouveau de l'argent sur ce film-là. Oui. Sa collègue Jennifer Wells est jouée par Faith Ford, enfin non, c'est la femme principale du film dans la station. Donc Faith Ford, elle est dans le cast principal de Murphy Brown, une sitcom des années 80-90 qui a connu un bref revival en 2018. C'est l'actrice principale aussi de La Star de la Famille dans les années 2000, donc elle a tourné dans pas mal de séries. Mais elle est encore active aujourd'hui, par exemple dans We Have a Ghost de Christopher London. Elle a un petit rôle, voilà. Oui, un film Netflix que je n'ai pas vu encore. Moi non plus. Voilà. Mais je le verrai vu que j'aime bien le réalisateur que je t'ai fait découvrir il n'y a pas longtemps. Oui, bah du coup, je pour pense notre que émission sur Twitch, voilà, c'est l'occasion. Ouais, je creuserai le reste de sa filmo aussi. Parce que c'était sympa. Drop. Brian Szczebanski, un autre militaire, de toute façon il n'y a que des militaires dans ce film, est joué par Max Perlick, un acteur de deuxième et troisième rôle. J'ai rien noté de bien captivant, sauf que ça m'a fait découvrir qu'il existe un film appelé Ninja Cheerleaders, donc celui-là je creuserai peut-être. What voilà. Et bien, ouais. Il n'est pas la nuit d'un rond, celui-là. Non. Callie O'Grady est jouée par Chase Masterson, qui est un personnage récurrent dans des épisodes audio de Doctor Who, mais je suis pas du tout les épisodes audio de Doctor Who pour le coup. Et en fait, elle a pas mal de crédits comme actrice de doublage, plutôt, c'est ce qu'elle fait le plus, surtout depuis 15 ans. Notée dans Deep Space Nine, elle a un personnage récurrent qui s'appelle Lee, mais du coup, je n'ai pas vu Deep Space Nine. Et enfin, Carl Schilling est joué par Damian Chapa, qui jouait Ken dans le Street Fighter de Steven De Souza. Ouais. Il est aussi réalisateur, surtout de biopic où il interprète le rôle principal. Par exemple, il a joué Marlon Brando ou Roman Polanski. Ah. Dans des biopics qu'il a aussi scénarisés. Alors bon, déjà, c'est la première fois que du coup, je note qu'il y a une possible ressemblance physique entre Marlon Brando et Roman Polanski au point de les faire jouer par le même acteur. Oui, c'est quand même incroyable. Ce qui est déjà incroyable. Et bah, il a eu un procès pour viol il y a quelques années, donc voilà. D'après Wikipédia, il vit à San Antonio, au Texas. C'est quand même la ville qui a donné naissance au plus grand fleuron de la littérature française, donc ça, je tenais à le signaler. Ouais, effectivement. La photographie est de Christopher Walling. C'est un directeur photo et caméraman encore actif aujourd'hui, surtout à la télé, plutôt comme caméraman. Maintenant, son dernier crédit en tant que directeur photo remonte à 2010. Et bon, bah, c'est nul, mais bon, voilà. Oui. Enfin, voilà, c'est qu'est-ce qu'on pouvait attendre. Non, c'est oui, moche. Il voilà. Y a rien qui est beau dans le film, niveau photo. Oui, c'est ça, en fait, il y a rien qui est beau. Et la musique est de Brian Langsbard, qui travaille vraiment pas mal en tant que compositeur additionnel ou dans des équipes musicales à divers postes. En tant que compositeur principal, il a fait pas mal d'épisodes de la série Snapped, qui est une série... Snapped, les femmes tueuses, pardon, qui est une série True Crimes américaine. D'accord. À l'époque donc du Diable des Glaces. Principalement sur les tueuses en série, du coup, j'imagine. Ouais, j'imagine, ouais. Il y a des centaines d'épisodes, donc ils ont dû en trouver un sacré nombre. Des centaines d'épisodes ? Ouais, ouais. Oh, fuck. Le Diable des Glaces, c'est encore relativement à son début de carrière. Avant, il avait un peu travaillé sur la série animée Batman, mais sur 2-3 épisodes, et sur des jeux vidéo. Ok. Actuellement, le film a 0% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes. Pour un film qui se passe en Antarctique, c'est con d'avoir 0% de fraîcheur. Effectivement. Mais du coup, il rejoint le club très select des 0% de fraîcheur aux côtés de Children of the Corn 666, Creepshow 3 et, de manière inexplicable encore, La Créature du Cimetière. Plutôt qu'Allociné, parce qu'il n'y a pas de note sur Allociné, je prends celle sur Sens Critique, qui est 3,4, mais c'est sur 10, donc 1,7 ramené sur 5, ce qui le place 83e à égalité avec Carrie 2, Children of the Corn Genesis, cette fois-ci, et Cimetière aux origines du mal. Je suis incapable de déchiffrer ce langage, mais... on dirait que quelqu'un a traduit certains passages dans la marge, regardez. Qu'est-ce que ça dit ? C'est... si un démon compose l'octogone humain le jour du portique, événement qui ne se reproduit qu'une fois tous les siècles, il rappellera à nous Belzébuth. Ensuite, le démon, aidé par l'un de ses semblables, devra rassembler 6 êtres humains et apposer sur leur chair le blason de Satan. Puis, le sang des victimes sera mêlé pour servir d'offrande au maître durant la cérémonie du Pentacle. sur l'autel du sacrifice. La célébration accomplie, Lucifer apparaîtra. Afin de régner son partage sur cette terre. Et c'est tout ce que j'ai noté. Bien entendu, il n'y a pas grand-chose sur la production de ce machin. Donc on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Mais il se passe pas grand-chose, en fait, dans le film. C'est chiant. C'est un film chiant. Je viens de voir le lien de Ninja Cheerleader. Merci beaucoup. On le regardera en live, ce truc-là, tiens. Je pense aussi, oui. C'est un film chiant où il se passe pas grand-chose. Les acteurs sont pas... extraordinaires. La BO... elle habille le truc comme elle le peut, mais bon, elle le fait pas très bien. Et effectivement, la photographie est dégueulasse. Et le budget décor était rachitique sans doute, parce que la base militaire est ultra cheap, quoi. Vraiment, t'as l'impression que ça a été tourné dans une cave de banlieue parisienne, quoi. C'est n'importe quoi. Je suis assez d'accord. En effet, la base militaire fait très vite. Tu te demandes notamment comment elle est protégée du froid, parce que normalement, c'est un peu des installations, quand même, vu le froid qu'il y a à y avoir. Le truc de minage, on comprend pas bien ce qu'ils foutent, on comprend pas bien ce qu'ils cherchent, c'est juste des couloirs. Enfin, ça fait pas du tout endroit où tu mines, quoi. Ah non, pas du tout. Et puis, comme tu dis, il y a vraiment des longs couloirs où t'as l'impression que là-dedans, il fait moins 20, quoi. Tu dis, bah, comment ça ? Globalement, la gestion du froid, c'est un problème dans le film. Oui, parce que t'as pas de buée, t'as rien du tout qui t'indique vraiment qu'il fait froid, quoi. Ouais, et puis ils sortent quand même régulièrement dans le froid glacial. Alors certes, ils frissonnent un peu, mais bon, normalement, ils devraient mourir. Ah oui. Donc non, ça marche pas bien. Les personnages sont plutôt nuls. Et l'histoire est extrêmement classique d'une série Z du genre. Donc y a rien c'est à ça. En retenir, en fait. Une équipe de chercheurs qui creuse. Je sais même plus pourquoi ils creusent à la base, sans doute pour du minerai. Moi non plus, mais c'est pas très clair, je sais même pas si c'est dit. Ils creusent en Antarctique, donc, pour des recherches, quoi, on va dire. Et qui tombent finalement sur des vestiges où il y a eu des rituels sataniques. Si j'ai bien compris, hein, parce que rien n'est clair dans ce film. Où il y avait eu des rituels sataniques, et bah du coup, l'un des chercheurs se retrouve possédé. Par une entité démoniaque, et puis voilà, bah, ça part en couille. En gros, le pitch. Donc oui, ça a été vu maintes et maintes fois, quoi. En ajoutant, on y reviendra, des rebondissements qui font qu'on se demande si tout ça n'était pas prévu depuis le début. Oui. Enfin, les rebondissements de fin sont pas clairs non plus sur exactement ce que ça veut nous raconter. Oui, surtout ce qui concerne l'un des personnages avec un bonnet. C'est ça que tu veux parler? Par exemple, mais un peu tous les personnages, il y a des trucs pas clairs, donc... Mais bon, en reprenant depuis le début, parce que le film s'ouvre... s'ouvre, pas exactement, mais le film nous offre une incroyable scène d'hélicoptère avec un fond vert, mais d'une laideur infernale. Oui. Oh là là là, cette scène... 5 minutes de film, t'as déjà mal à la tête, quoi. Déjà. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder à l'aide? Avec des militaires qui ont des tenues pareilles, achetées sans doute à la première boutique de farce attrape du coin. Y'a rien qui va. Pour tenter de mettre de l'action un peu tôt, il y a cette scène où il saute de l'avion. Oui. Et où l'avion commence à remonter alors qu'ils sont encore accrochés. Tu sens que c'est vraiment la scène juste mise pour essayer de mettre un peu d'action au départ pour accrocher le spectateur, quoi. Ah, c'est ça. Là, j'ai une note qui tombe très vite sur un premier cadavre gelé. Oui. Celui de Whittaker. Et là, j'ai noté le Major à un flash de femme à poil. Oui, on sait pas trop pourquoi. Hein. Non, bah, pour mettre une femme à poil, probablement. C'est une femme à poil morte dans le sable. Oui, bon. C'est le cinéma, non. C'est la magie du cinéma. Mais bon. Non, mais en vrai, on comprend ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un flash façon stress post-traumatique, voilà. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire, sauf que c'est tellement mal fait que ça passe juste pour un effet spécial dégueulasse et juste pour mettre une femme à poil, comme tu dis. Bah, le truc, c'est que ils ont sûrement voulu faire un côté post-traumatique, mais sincèrement, je leur accorde pas beaucoup de crédit. Le principal truc qu'ils voulaient mettre, c'est mettre une femme à poil pour que le spectateur reste concentré sur le film. Enfin, on va pas se mentir. Je suis désolé. Tu peux en mettre plein, des flashs post-traumatiques. T'es pas obligé que ce soit une nana à poil. Ce qui est assez triste, parce que si t'es obligé de faire ça pour que le spectateur reste sur ton film alors que ça a commencé depuis littéralement 5 minutes, c'est qu'il y a quand même un problème. Oui, bah après, tu sais, moi, la seule raison pour laquelle j'ai laissé le film, c'est que j'étais obligé de le regarder pour le podcast, hein. Oui, mais moi aussi, hein. Je peux les comprendre. Est-ce que tu penses vraiment que j'aurais payé cette merde 1 euro sinon? Oui, t'as payé cher quand même. Eh oui, c'est triste. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc ils arrivent à la station où ouais. Il y a les attaques, ils sont accueillis par une survivante un peu stressée. Qui leur tire dessus, un peu stressée, oui. Du coup elle leur tire dessus. Ouais, bon à la limite, ok, il y a quelqu'un qui a essayé de tuer tout le monde, on peut comprendre la méfiance. Oui voilà, c'est ça. C'est juste que c'est mal réalisé quoi, mais ça c'est l'ensemble du film. En fait tout ce qu'on va dire, ajouter un côté mal réalisé à tout ce qu'on va vous dire. Ouais, il y a assez mal monté qui fait que, comme en plus tous les décors se ressemblent, la spatialisation est souvent très difficile. Oui, ça, j'allais y venir à un moment, la spatialisation de l'ensemble du film, tu comprends rien. Ouais. Elle nous apprend qu'il y a un seul autre survivant dans la base. On découvrira un peu plus tard qu'on préférerait largement qu'il soit mort, mais bon... Oui, parce qu'il est insupportable. Voilà. Pour l'instant, on est encore innocent. Il découvre un autre cadavre, etc. Bon, il découvre que ça a été un massacre. Et il y a de nouveau des flashs d'un mec enterrant des cadavres, cette fois-ci. Je note les trucs dans l'ordre dans lequel ça arrive. Hein, voilà, ça. Ouais. Le film, on peut dire que le film est très sage. Parce que depuis tout à l'heure, on dit que ça a été un massacre, qu'il y a des cadavres et tout. Mais le film est très, très sage. Ah oui, c'est quasiment pas sanglant, oui. Voilà, en termes graphiques... Alors, c'est sanglant, mais il n'y a pas de gore. C'est-à-dire, il y a du ketchup sur les murs et sur le sol, mais c'est tout. Ouais, pas grand-chose, quand même. Mais voilà. Si j'ai noté par rapport à la manière dont fonctionne la station, apparemment la station fonctionne à l'énergie solaire. En Antarctique, oui. Ça me paraît aléatoire comme plan quand même. Oui, moi aussi. Mais bon, soit. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je serais plutôt parti sur l'éolien ou l'hydraulique, tu vois, mais bon, chacun son truc. À la rigueur. Mais du coup, après ça, bah, les deux militaires partent à la recherche de l'autre survivant. Ouais. Au travers d'une série de couloirs. On assiste là à la course-poursuite, mais la plus molle que j'ai dû voir dans toute ma vie. Tu sais, ils aperçoivent une silhouette se balader dans les couloirs, et du coup, ils oui. courent après. Et c'est mou. Mais ils courent à peine, quoi. Ouais, bah, attends, compliqué de courir. Il y a la nana, donc il accompagne la femme militaire qui se met à cracher ses poumons parce qu'il y a du gaz toxique, bon, d'accord. Mon oui. collègue, lui, bah, rien. Tu dis, bon, ok. On n'est pas tous égaux face au gaz toxique, d'accord? Oui, ils ont enlevé leur... sachant qu'ils ont enlevé leur masque, ils ont enlevé leur combi, ils sont complètement cons, hein, quand même. Oui, non, mais alors, tout ça me fait... Ça, j'ai eu des flashbacks de... ah, merde, comment il s'appelle? Ridley Scott, saga Alien. Ah, c'est dans Prometheus, je crois. Voilà. Il y a ce truc où ils enlèvent tous leur casque. Mais à plein de moments, j'ai eu des flashbacks de Prometheus, c'est incroyable, ouais. Parce qu'il y a eu ce moment-là où les mecs retirent leur masque. Et un peu plus tard, t'as le passage du... Vous avez une carte, et le mec regarde là où sont rangées les cartes, tu fais « Ah, elle a disparu !» Je me dis « Mais c'est incroyable !» C'est incroyable, tous ces incompétents dans cette base militaire ultra protégée, normalement, c'est quand même fou. On n'a pas précisé, mais entre-temps, ils ont retrouvé le deuxième survivant, qui est un turbo-connard. Hein. Il va passer son temps à se plaindre, à faire des remarques désobligeantes, à envoyer chier tout le monde. Ouais, il a une... il a une... J'allais dire un design, mais bon, vous m'avez compris. Il a une allure d'ado rebelle fumeur de ganja des années 90. C'est incroyable. Bah, sauf ouais. que c'est un scientifique militaire dans une base en Antarctique, quoi. Voilà, c'est ça. T'y crois pas du tout, quoi. Ouais, vraiment, ce personnage. Il y a quelqu'un qui va ressusciter un premier cadavre pendant la nuit. Oui. Celui de Baines, apparemment. Je crois que le personnage s'appelle Baines. Et il y en a qui vont entendre du bruit, des bruits forts, et du coup ils vont de nouveau mollement fouiller les couloirs, mais pas trop, hein, encore ouais. une fois. C'est à ce moment-là où le protagoniste a une illusion où il voit des femmes faire la danse du ventre dans le couloir. Je crois que c'est vers ce moment-là, ouais. C'est quand même incroyable, qu'est-ce que c'est que ces illusions? Bah je sais pas, il a dû passer des bonnes vacances quelque part un jour... Je sais pas trop, ouais. Écoute. Ouais, je suis comme toi, j'en perds mon latin, moi aussi. Ouais. Comme tout le monde, c'est pareil. Oui, avant la danse du ventre, il retrouve une bague aussi. Elle aura de l'importance par la suite. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et sinon, comme il s'est séparé de sa collègue, bah, elle a disparu et il voit qu'elle a été emportée dans la mine et qu'elle se fait traîner là-bas. Et c'est là qu'il va sortir en ayant à peine froid dehors, tu vois. Oui, oui. Et qui va réussir même à la prendre, à la ramener, malgré les gaz toxiques, malgré le foie, il la porte sur son dos. Enfin, quand tu essaies d'installer un truc en Antarctique où tu peux à peine sortir, au moins tiens-y toi, quoi. Fais bah pas, oui, les gars, ils peuvent sortir et juste ils grelottent un peu. C'est quand même le minimum, quoi, quand tu écris un scénario, que tu instaures des règles, quoi, respecte-les. Voilà, surtout que là, la règle, elle est pas bien compliquée. La règle, c'est il fait froid. Ça va, c'est encore l'un des passages où notre ami militaire insupportable manie une arme à feu et tu comprends que bah il en a jamais manié de sa vie, ce qui est assez étonnant pour un militaire dans une base reclue. Alors même s'il est scientifique, je pense que quand même, ils ont au moins un minimum de formation, j'ose espérer, parce que sinon... Ouais, surtout qu'ils sont américains, ils sont formés à 3 ans à manipuler une arme, normalement. Et voilà, et en plus, c'est vrai. Il va... Bon, alors par contre, sa collègue, il la ramène, mais elle est morte, hein, je précise oui. Ça. C'est... Oui, oui. Bon, c'est des choses ouais, qui c'est arrivent. C'est pas grave. J'ai noté qu'il y a plein de blagues. Autant le film, scénaristiquement parlant, et au niveau de ses personnages, ne respecte pas le fait qu'il fasse froid, mais autant le film aime beaucoup caser plein de blagues sur le fait qu'il fait froid. Oui. Effectivement. Genre quand il parle d'un mec qui est mort dans la pièce d'à côté, l'autre il lui dit attendez, bah, il est en train de décongeler dans la pièce à côté. Oui, oui. Il y a plein de oui. petites vannes comme ça. C'est vraiment la mort du respect, ouais. La radio est cassée. Oui. Enfin, quelqu'un a cassé la radio, rebondissement classique du genre, encore une fois, on va pas se mentir. Ouais, l'électricité part en couille aussi, ça est le... Oui, c'est passé sur le groupe électrogène. Voilà, c'est le groupe de secours qui prend le relais. Du coup, t'as une lumière rougeoyante, dégueulasse jusqu'à la fin du film. Là, tout le monde commence à devenir un peu parano, je ne sais pas pourquoi, avec Cage qui est persuadé que c'est le mec insupportable qui a tué sa collègue. Ouais. Et je sais pas d'où ça sort, il a pas d'indice particulièrement qui va dans ce sens. Non, non, bah, c'est juste qu'il vrille total. Hein. Ouais. Pour moi, surtout il vrille total à ce moment-là. Ouais, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait vriller ? Voilà, aucune question. C'est encore les PTSD de la mort qu'on découvrira plus tard ? Bah peut-être. Ah, psychologiquement, c'est pas clair. Bah non, mais rien n'est clair. Ouais. Tiens, c'est peut-être ce qui est arrivé à Schilling, c'est ça ? Il a absorbé trop de gaz. De quoi est-ce que vous parlez ? Vous êtes en plein délire, capitaine. D'abord, c'était l'antenne. Ensuite, il y a des gens qui se planquent dans le couloir. Et là, on est passé au gaz mystérieux. Vous pouvez toujours essayer de comprendre. Une chose est sûre, on l'a dans l'os. Il y a un Pékin, ou plutôt plusieurs Pékins, qui s'amusent à déplacer des cadavres sous notre nez. Pourquoi ils font ça ? On n'en a rien à cirer. On va tous y passer si on fiche pas le camp d'ici. Ouais, peut-être bien que Schilling n'est pas seul au fond. C'est vrai, pourquoi pas ? C'est peut-être une mission ultra secrète, et puis peut-être que les Irakiens, bah oui, ce salaud de Saddam, il veut récupérer ce que Schilling a trouvé. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'antenne, c'est peut-être pas les gaz mais toxiques non plus. Sam, pourquoi nous laisse-t-il ? On peut pas tranquillement rentrer et faire nos rapports en disant ce qui se passe ici, et ils le savent, et y a pas à tortiller, les mecs. S'ils veulent qu'on s'en aille, pourquoi ont-ils détruit notre radio ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Peut-être qu'ils veulent nous tuer. Aucun de nous n'est en mission officielle. Ils savent que notre gouvernement en fera pas une montagne, et qu'on passera aux oubliettes. Puisqu'on y est, je peux y aller aussi de ma petite théorie. Et si vous étiez venu ici pour une autre mission, hein ? Si vous n'étiez pas venu pour résoudre un meurtre, si vous faisiez partie de toute cette fumisterie, hein, c'est ça ? On vous a envoyé pour nous jeter aux oubliettes. Eh, voilà pourquoi il est venu. Il se fout de notre gueule. Espèce de théoricien de mes deux, je suis ici pour te sauver la peau. Personne sauvera sa peau. Et là, il y a un mec qu'on croyait mort, mais qui est pas mort, qui était dans la tempête, lui aussi. Oui, qui surgit vivant. D'un coup. Oui, qui se réveille. Bah bon, il se fait planter direct, donc... Oui, bon bah c'est... Oui, mais il était pas mort avant. oui, voilà. Là, on lui donne du calmant, pour l'instant. Il est encore vivant, on lui donne des calmants. Après, il se fera planter, effectivement, mais... Ah oui. C'était tellement long que j'ai même plus l'ordre précis des... des séquences. Mais je pense pas qu'il soit très important. Hein. C'est quand même incroyable. Il entend, pendant la nuit, de nouveau, Cage entend une voix qu'il appelle petit frère et qui parle d'une certaine Marie, et il va suivre une ombre, mais arriver dans une pièce fermée dont on peut pas sortir. Ouais. Et après, il y a une dispute, et là, je me rappelle plus, hein, je vous rappelle, ça fait 2 semaines, et j'ai noté, moment dispute parano, qu'est-ce que Saddam Hussein vient faire là ? Donc visiblement, à un moment, ça parle de Saddam Hussein, et j'ai oublié le contexte, mais visiblement, je l'avais déjà pas compris en regardant le film, donc... C'est vrai que je l'ai oublié aussi, et c'est ça qui est triste. Ouais. Et on va peu à peu commencer à comprendre avec Cage qui avoue que celui qui aurait tué tout le monde, qui serait devenu fou et qui aurait tué tout le monde, Schilling, était son demi-frère. Ouais. Et c'est là, du coup, que je commence à me poser les questions. C'est pourquoi c'est lui qui est sur place? Est-ce que c'est lui qui a demandé cette mission? Est-ce que c'était prévu de longue date pour leur projet de faire l'avènement de Satan, là, qu'on découvrira un peu plus tard, spoiler? Parce que c'est pas du tout clair, quoi. Ou est-ce que c'est par hasard? Bah, ça semble quand même être... Ça semble... Bah, c'est pas clair, déjà, mais ça semble être du hasard, quoi. Bah, c'est un peu ça. Ou alors c'est Schilling qui prévoit tout, qui avait prévu que ce soit lui qui soit appelé, ou qui a manipulé pour que ce soit lui qui soit appelé. Ouais, mais du coup, c'est pas clair non plus. Non, effectivement, t'as l'air d'avoir un plan qui est sur des millénaires, mais qui en même temps est en totale impro. C'est assez paradoxal. Mmh. C'est aussi le moment où on comprend que... Enfin, on comprend. Où on apprend que le mec, du coup, est caché dans les tunnels, là. Oui, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme truc dans ces tunnels? Et ça va mener à une scène qui pourtant c'est con, parce que dans ce genre de film, quand c'est bien fait, bien tourné, avec des gens talentueux, ça peut faire de bonnes scènes, avec une espèce de drone sur roulette là, qui filme l'environnement. Mais là, vu que c'est fait avec une lumière rougeoyante, immonde, ben on comprend rien à ce qu'on est censé voir, ben ça marche pas, quoi. Oui. C'est plus drôle qu'autre chose, quoi. C'en est même crispant, tellement on comprend rien. Ouais, alors avant, on a eu un peu plus d'informations sur Sam et Schilling, qu'on fait la guerre ensemble, que Sam a rencontré une infirmière et que Schilling l'a tué. Ah oui, c'est vrai. Un truc comme ça. C'est vrai, l'origine story de Omari de Johnny Hallyday. oh la vache. Ah oui, l'infirmière s'appelle Marie, c'est en temps de guerre, voilà, c'est l'origine story. Ouais. Peut-être que Johnny a vu ce film, l'a beaucoup aimé, et du coup, il a décidé d'en faire une chanson, on ne sait pas. Et on découvre aussi la carte de l'Amérique avec les pentagrammes de sang. Ça a l'air compliqué comme plan géographiquement parlant en plus. Ah oui. Faut faire des pentagrammes partout. Faut respecter la carte du monde. C'est bon, réveiller Satan. S'il n'y a pas une méthode en 5 minutes dans sa cuisine, moi je le fais pas, tu vois. Mais surtout que je pense que c'est quand même un être suffisamment démoniaque pour qu'il n'y ait pas besoin de faire des plans qui durent 10 000 ans, quoi. Pour un retour, il est quand même suffisamment puissant pour pouvoir revenir facilement, normalement. Ouais, déjà, et puis bon, c'est bon. S'il faut respecter des trucs au millimètre près sur la carte du monde... Parce que là, ça fait très Nahulbuck, quoi. Il faut t'entourer de jambon... ouais, il y a un peu de ça, ouais. Tourner à cloche-pied un soir de pleine lune... Ah, on est totalement dedans, quoi. Mais en effet, pour la caméra, j'ai noté que c'est pas une mauvaise idée, mais que c'est mal fait. Avec quand même cette réplique complètement conne, quand il commence à avoir des problèmes à capter, il y en a un qui dit « c'est peut-être les piles ». Ah oui, vraiment pas, non. Oui, parce que les piles, c'est que pour la télécommande, espèce de con. Ouais. Et en plus, à ce moment-là, vraiment, il ouvre le truc de piles, tu vois qu'il y a au moins 10 piles là-dedans. Juste, il les touche un tout petit peu et c'est bon, ça repart. Ça consomme à mort, hein, ces machins-là. C'est... Mais quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça que des piles ça marche, quoi. T'as pas à les faire tourner sur elles-mêmes pour que ça remarche. Ah là là. Mon dieu, quoi. Mais bref, et voilà, c'est cette séquence-là qui, bien tournée dans des bons films, ça rend bien. Sauf que là, bah non, pas du tout. Oui, bah pareil, le fait que tout le monde devienne parano et commence à se méfier les uns des autres, ça pourrait rendre bien. The Thing. Oui, c'est vrai que j'y songeais totalement parce que ça se passe dans une station en Antarctique. Ah oui. Ouais, totalement, The Thing de Carpenter. On est plus proche d'un remake très très très cheap de The Thing que, encore une fois, d'un court Jimmy Court hein, dans cette histoire. Ah oui. Ah, bah là, pour le coup, The Thing, courez le voir. Hein. Ouais. Si vous ne l'avez jamais vu, si vous l'avez déjà vu, quoi qu'il en soit, courez. C'est un film à voir et à revoir de nombreuses fois. Il y a une scène au milieu de tout ça où le connard admet qu'il est un connard depuis le début, mais bon, il n'arrêtera pas d'être un connard pour autant. Donc Oui, c'est ça. Et là, sur la fin, ça commence à s'accélérer un peu. Il y a des cadavres qui commencent à se relever, avec des pentagrammes sur le front, qui commencent à attaquer. Oui, c'est ça, là, il commence à y avoir des attaques de zombies, ouais. C'est ça, ça tourne au film de zombies. Tu fais, qu'est-ce qui se passe? Avec des séquences, mais d'une mollesse et d'une nullité incroyable. Hein. Vraiment, le personnage qui ouvre la porte, qui est face à face avec un zombie, il se passe rien, juste il referme la porte normalement. Ah, c'est risible, quoi. Ouais. Alors là, j'ai noté, j'avais oublié que justement le connard, en fait, c'est un démon, ou alors il se fait posséder et du coup il se fait tuer. Il s'embrouille avec le protagoniste. Dans l'embrouille, il perd sa casquette et donc du coup, révèle. Ah oui. Et on voit qu'il y a un pentagramme sur le front. Voilà, c'est à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il se met à parler avec une voix de démon. Bon, une fois que la mèche est vendue, oui. C'est un peu ridicule. Mmh. Voilà. l'autre le but. Et j'ai noté cette fameuse réplique « Fini de rigoler, zombie de mes deux ». Voilà, et là, je me suis dit que John Romero a dû faire un backflip dans sa tombe. À ce moment précis de l'histoire. Il y a sa fille qui va sortir un film de zombies, d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu. Oui, oui, j'ai vu. Du coup, j'attends, ça me rend curieux. Oui, surtout qu'a priori, c'est un film de zombies avec tout un message pro-LGBT, lesbien, etc. Donc ça peut être vachement intéressant. Il semblerait que sa fille, oui, ait acquis un peu la même critique sociale que son paternel. Ce qui est déjà bien. Ouais. Après, à voir si elle aura le même talent de réalisation. Mais au moins, bah, la critique sociale est là. Je lui souhaite. Exactement. C'est du népotisme, mais je le souhaite qu'au moins ce soit bien. C'est vrai. Après, c'est pas du népotisme qui, du coup, a surfé sur la vague directe. Hein. Il y a eu le temps. Oui, c'est pas faux. Le cadavre de Baines, il a disparu aussi et il a été traîné et ça laisse des masses de sang. T'as l'impression qu'il en a perdu 20 litres. Oui. Ce qui n'est pas possible si vous avez suivi vos cours de biologie à l'école. Oui, non, normalement, normalement, il y a un moment, ça bloque. Alors, j'ai noté le plan qu'ils trouvent dans le livre, les deux là qui sont en train de tomber amoureux. Oui, parce que le personnage principal masculin et le personnage principal féminin sont en train de tomber amoureux pour la simple raison qu'ils sont respectivement personnage principal masculin et féminin du film. Hein, parce oui. que sinon, il n'y a aucune autre raison de tomber amoureux. Ah là là, ça tombe mais comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ouais. Et donc, le plan, c'est qu'il faut faire un octogone humain le jour du portique, qui arrive une fois tous les 100 ans. Puis il faut 6 humains avec leur sang mélangé pour faire renaître Lucifer. Bon, encore une fois, ça a l'air énormément de travail quand même. c'est pas grand chose. Voilà. Ouais. On y est. Il faut faire un octogone humain, mais comment ça? Ouais, c'est peut-être un pentagramme d'ailleurs, j'ai noté octogone, mais c'est peut-être pentagramme. Hein. J'en étais oui. plus. Chez moi, j'étais plus très précis à ce stade-là. Chez moi, on appelle ça une partouze. Hein, mais bon. Oui, mais faut tuer tout le monde. J'espère que quand tu fais une partouze, tu tues pas tout le monde. Effectivement, non, c'est moins rigolo sinon. Bon, du coup, ils partent en exploration. Évidemment, ils sont séparés. Et Sam va tomber tout en bas de la mine. On va apprendre que Schilling, il a tué Marie parce que ça faisait 100 ans que Sam était son assistant et qu'ils devaient ressusciter Lucifer ensemble. Et waouh, il y a la femme qui vient entre nous. T'es pas mon ref, brocode, etc. En gros, hein. Voilà. Ah, mais les buts de la vie, quoi. Ressusciter Lucifer. Ah, oh bah, et puis il y a un but de la vie sur le long terme, hein, sur plus de 1000 ans. Hein. Oui, oui, oui. Faut vraiment avoir très envie de le ressusciter, Lucifer. Ça tombe tellement comme un cheveu sur la soupe, leur immortalité, là. Oh là là là. Devant mon écran, j'étais là en mode, mais quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ça vient peut-être justifier que l'autre puisse sortir dans le froid sans problème, mais bon, comme il n'est pas le seul à pouvoir le faire, même pas. Ouais. Ouais, non, c'est juste nul. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire la guerre quand t'es immortel, quoi? Quand ton but, c'est de ressusciter Satan. Bah, peut-être servir Satan en tuant du monde, en faisant la guerre, parce que la guerre, c'est pas bien. Ouais, je pense qu'il y a des moyens plus radicaux et plus rapides pour tuer du monde. Bon, écoute, partage, hein. Partage tes bons plans. Non, mais... Enfin, qu'il y a plein de manières simples de le faire. Malheureusement, précisons-le quand même. Ouais. Bon, sinon, effectivement, voilà, il faudrait qu'il tue Jennifer, la militaire, pour ressusciter, pour faire renaître Lucifer. Et bon, bah là, il y a tout le truc histoire d'amour, avec Jennifer qui lui dit qu'elle l'aime. Sérieusement, vous êtes embrassés une fois, ça fait 24 heures que vous vous connaissez, et tu viens d'apprendre que c'est un démon militaire. Meuf, c'est un sacré red flag, quand même, d'apprendre que ton mec, c'est un démon millénaire. Je pense qu'au bout de 24 heures, c'est plus simple de le larguer, tu vois. Ah oui, non, mais c'est... Et encore, tu dis ton mec, mais c'est même pas son mec, à la base. Oui, bon, bah, ton plan collègue. Cul, quoi. Ouais. Bah non, même pas, c'est même pas son collègue, en fait. C'est pas la meuf militaire, c'est l'autre. Oui, non, mais disons plan cul, hein. Je pense voilà. que c'est ce qu'on a de plus proche. Et effectivement, moi, j'apprends qu'un plan cul est un démon millénaire. Bon, bah, même si c'était très bien, je me dis que je vais y réfléchir à deux fois pour continuer voilà. la relation. Quand même. Mais déjà, j'ai du mal à envisager qu'on puisse développer des sentiments ou une envie de cul à un moment comme ça, là, dans ta vie. Là, t'es dans une base militaire enfermée avec potentiellement un tueur en série. je pense que tes hormones, elles sont au plus bas à ce moment-là. Ouais, ça, je sais pas, chacun fonctionne à sa façon, j'en sais rien. Mais... du coup, ils font exploser Schilling à la dynamite, finalement. Ouais, parce que pourquoi pas. Ouais, bon, écoute, tant que le démon est éliminé. Voilà. Et ils sont récupérés par un hélico pour pouvoir s'échapper. Et un des derniers dialogues, c'est du coup Jennifer qui lui dit « Tu m'expliqueras un jour » et lui qui répond « Peut-être, mais ce qui compte, c'est qu'on s'aime. » Et non, franchement non, là, des explications, ça me paraît nécessaire pour oui, que votre même, couple quoi. Parte sur des bonnes bases. Il y a eu des morts, il y a des démons, il y a des invocations de Lucifer. On n'est pas dans le truc... on n'est pas dans le truc qu'on pose pas à plat avant de fonder un couple et une vie de famille, quoi. Oh, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Et voilà, c'est fini et c'était nul. Ah oui, ça oui, effectivement. J'approuve cette conclusion. Je te trouve même très mesuré. Oui. Avec un titre ultra mensonger dans les deux langues. Bah, en original, on l'a dit, ça n'a pas de rapport avec le reste de la série. Et en français, bah, c'est pas particulièrement le diable des glaces. Il se trouve que c'est un diable qui est dans un endroit où il fait froid. Mais il n'a pas de pouvoir lié à la glace. Enfin, c'est encore, un diable normal. Et encore, c'est plus un démon. Oui, bon, ça, à la limite. Parce que normalement, le terme diable, ça définit vraiment le diable, quoi. Il n'y en a qu'un. Oui, c'est pas faux. C'est pas comme le terme démon qui, lui, bon, bah voilà, c'est sous-fifre. Mais du coup, bah voilà, moi, on me dit le diable des glaces, je m'attends à quelqu'un qui a des pouvoirs liés à la glace, quoi. Et voilà. Qu'on comprend même c'est... des trucs originaux autour de ça. Là, si on voulait un titre. Un titre qui soit pas mensonger, c'est le diable qui va ressusciter dans la glace, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Le diable en Antarctique, à la limite. Bon, ça fait un peu titre du club des cinq, mais au moins c'est justifié. Les charlots contre le diable, voilà. Ça existe peut-être, ça. Ah, pour le coup, ça colle plutôt bien avec ce qu'on a vu. Hein. Ouais. Il y a bien Dracula, père et fils. Les barbouzes contre le diable. Oh là là. Mais ben voilà, je retiendrai pas grand-chose du film, hein, je pense. Non, non, non. Je le redécouvrais déjà en partie en relisant mes notes, pour être parfaitement honnête. Moi, je pense que d'ici 48 heures, il aura totalement été effacé de ma mémoire. Ouais. D'ici quelques années, ma fille me dira « Papa, c'est quoi ça ?» Je dirais « je sais plus. » Regarde-le, on voilà, sait jamais, tu c'est peut-être bien. Et tu me diras. Et elle me détestera. Sans doute. Bon bah après on va faire comme d'hab, on va vous diffuser une petite scène du machin. Oui oui oui. Courage. Bah on a choisi, on essaie souvent quand même d'être un peu honnête avec les films, on a choisi la scène qui est peut-être la meilleure, mais elle est pas très réussie quand même. C'est la scène où ils envoient le drone avec la caméra pour explorer les souterrains et qui aurait pu donner quelque chose d'intéressant avec une vraie tension si ça avait été mieux fait. Voilà. Voilà. D'où elle vient cette lumière ? C'est du phosphore peut-être. Non, la lumière est trop forte. C'est pas ça. Ça roule. Quel manchot. Je me suis goinfré l'iceberg. Avancez, Chevansky. Je suis bloqué, là. Vous êtes aveugle ou quoi? On pourrait peut-être... Quoi essayer... Faire un petit tour en bas pour déplacer l'engin? Non, non, non, Jennifer. Allez, vas-y. C'est reparti. Attention. Attention. Merci du conseil. Fin du voyage. On n'ira pas plus loin. Faites-le basculer. Pour qu'il s'explose en mille morceaux, au fond? Ben, merci. Avancez. On va perdre le contact. Faites ce que je vous dis. Comme vous voudrez. Ah, je le savais. Regardez, ça marche. L'image est revenue. Voilà. Il a fermé ses petits yeux. Il peut avancer? Je vais essayer. Dirigez-le vers la lumière. Va vers la lumière. Va vers la lumière. C'est quoi, là? J'en ai aucune idée. C'est bon, avancez. Vous avez vu ça? Bon, cette image, vous allez la stabiliser. C'est peut-être les piles. C'est bon. On dirait un hôtel. C'est peut-être ce qu'a trouvé Schilling. Un hôtel? Donc voilà, bah comme on vous disait, la scène, vous n'avez pas le visuel, mais elle est visuellement pas très intéressante. C'est un peu une de ses faiblesses. Oui. Comme on le disait, c'est con, parce que c'est le genre de scène qui, bien réalisée, peut vraiment donner quelque chose d'intéressant visuellement. Oui. Bah, ça aurait pu jouer sur des trucs qui deviendront après typiques du fan footage. Là, il est trop tôt, oui, pour le fan footage, mais c'est ça. La mauvaise qualité d'image, des glitchs à l'écran à cause de la caméra. Pour faire un comparatif, ce genre de scène, quand c'est bien fait, ça donne la séquence de fin du tout premier rec. Tu sais, où du coup ils sont dans le grenier et où t'as la créature qui se balade, mais tu la vois de manière très, très succincte à chaque fois que la caméra la capte un peu. Oui. Je sais pas si tu as vu le premier rec. Oui, oui, oui, non, mais je vois de quoi tu parles, et effectivement, ça aurait pu marcher comme ça. Ou même si tu l'as pas aimé, Skinner Marine qui avait des idées sympas, oui, autour des troubles d'image et de ce genre de choses aussi. Oui, oui, et puis même si effectivement je l'ai pas apprécié, disons que le film réussit à jouer sur le questionnement de est-ce que ce que je vois à l'image ne cache pas quelque chose. Oui. Voilà. Parce qu'il y a un truc effectivement qu'on peut pas mal faire quand on joue sur des caméras de mauvaise qualité. Et là, ça essaie de jouer de ça, mais juste, ça le fait très mal. Et puis là, en plus, c'est et de la mauvaise qualité et une caméra en mouvement. Quand c'est du fixe, bon, bah, c'est un peu plus compliqué, parce que dès qu'il y a un mouvement, tu vas le repérer tout de suite à l'écran. Oui. Bah là, oui, c'est une caméra en mouvement dans des décors qui se ressemblent tous. C'est-à-dire, quitte à pas avoir de budget et à avoir des couloirs qui sont tous strictement identiques, c'est aussi un truc dont on peut plus jouer en jouant sur l'égarement. Là, ça nous dit bien qu'on peut se perdre facilement dans les mines, mais ça en profite pas vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, une bonne idée sur le papier, mais échec total une fois le film rendu. Ouais. Donc voilà, bah on va classer ça. Ouais. Ouais, ça, ouais, comme tu dis. Très bien, donc nous n'avons pas de nouvelles à classer vu que la nouvelle originale Court Jimmy Court s'est fait depuis longtemps. Pour rappel, elle est à la 52e place des livres. Donc c'est une nouvelle un peu chargée mais sympathique. Et les films, nous avons actuellement 109 œuvres de classer, films et séries, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Ça fait une éternité que ça n'a pas bougé. Oui, c'est vrai. Spoiler, ça ne bougera pas à celui-là non plus. Non. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joel Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et Jorge Valdasiga et Room 237 de Rodney Asher. Un film totalement merdique, mais qui propose, cela dit, plus de choses que le gouvernement Bayrou. Ouais, après le gouvernement Bayrou propose pas mal de trucs, hein, hélas. Ça propose, oui, mais il propose autant de merde. Voilà, c'est ça, ouais. Mais le problème, c'est que c'est de la merde concrète qui nous touche directement. Après, franchement, d'ici quelques jours, d'ici que l'épisode sorte, en fait, il sera peut-être plus là, hein, le gouvernement Bayrou. Oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai que cette vanne, finalement, va vite s'autodétruire et sera périmée. Avant même la publication de l'épisode. Ouais. Bon, après, du coup, quel sera le gouvernement suivant? Moi, je crois de plus en plus à l'option que Macron nous mette carrément un Premier ministre RN. Hein, donc, bon. Oui, bah, en fait, du coup, cette vanne sera toujours d'actualité. Il faudra juste changer le nom, quoi. Oui. Voilà. Pour être dans l'actualité, tu changeras... tu modifieras l'enregistrement et tu remplaceras ma voix par une IA. Voilà, j'entraînerai Ilya à remplacer ta voix, ouais. On sera totalement dans l'actualité, comme ça, c'est super. Je suis vachement du genre à utiliser les IA en plus. Oui, moi aussi, tu sais bien. Bon, le diable des glaces, où est-ce qu'on va mettre ce truc-là ? Où est-ce qu'on va mettre cette merde-là ? Bon, bah déjà, tu te doutes bien qu'on va descendre. Ah oui, on va pas descendre au plus bas, mais on va sacrément descendre quand même, ouais. Ouais. Alors, vas-y, j'écoute ton idée, ton intention première. Bah, tu vois, moi, j'aurais du mal quand même à la placer en dessous de Monsieur Mercedes saison 2 et de Contretemps, qui sont tellement longues. Ouais. Que pour moi, ça joue en leur défaveur. Après, si tu veux en discuter, on peut, mais... Non, je suis d'accord, ça va au-dessus, mais ça va pas tellement plus au-dessus. Ah non, par contre, ça va pas tellement plus au-dessus, non. Shinran of the Corn 666, putain, c'était il y avait quoi déjà dedans ? C'était de la merde. C'est le retour d'Isaac. Ah oui, en vieux. Enfin, en vieux. Ouais, quarantenaire, ouais, quelque chose comme voilà. Ça. Voilà. Je me suis autant insulté, du coup. Faut admettre. C'était peut-être mieux en réalité, Shinran of the Corn 666. Alors que c'était pas bien, mais. Tu vois, Crunch End, c'est pas bien, mais au moins ça a le mérite de durer que 45 minutes, quoi. Oui, puis tu vois, Crotchen, je dirais limite que ça retranscrit mieux l'égarement dans le quartier. Oui, par contre... Si tu réussis à oublier les effets spéciaux absolument dégueulasses et que tu te concentres juste sur le fait qu'on est perdu dans des rues, ça le fait peut-être un peu mieux. Oui, effectivement. Bon, bah déjà, ça va être en dessous Crunch End, mais du coup, en dessous Crunch End et entre Démons du Maïs 666 ou en dessous Les démons du maïs 666. Je réfléchis, mais les démons du maïs 666, tu vois, il y a moyen que j'en retienne un ou deux éléments de plus. Le design d'Isaac, la mort sur la faux, qui était ridicule, mais... Oui. Mais qui était là. Je pense que je me souviens... C'est triste, hein, mais je pense que je me souviendrai plus des démons du maïs 666 que du diable des glaces. Ah, c'est triste, qui dit. Bah, je suis désolé, mais c'est pitoyable à ce niveau-là. Ouais, bah allez, hein. Entre les démons du maïs 6 et Contretemps, du coup. Diable des glaces devient le nouveau 101ème. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas brillant. Et ça veut dire que s'il n'entre pas dans le flop 5, il entre par contre dans le flop 10. Ouais. À la dernière place du flop 10, mais dans le flop 10... enfin, à la meilleure place du flop 10, mais le flop 10 quand même. Une entrée fracassante. Hein. Ouais, c'est vraiment nul. Oui, et encore... Ce qu'il sauve, c'est que ça dure qu'une heure et demie. Hein. Ah oui, sinon, ça passait clairement derrière Contretemps et Monsieur Mercedes. Voilà. Et même en dessous de The Mist. Hein. Franchement, The Mist, il n'y a que le propos immonde. Il y a un propos immonde à un moment, mais le reste, en termes de réal, au moins, ça tient la route à minimum. Quoi. Oui, c'est ça. Ça aurait été en dessous des Enfants de Salem, parce que là, on entre dans des trucs non seulement chelous au niveau du message, oui. Mais en plus, encore au-delà niveau ennui. Quoi. C'est ça. Bon, bah voilà, c'est ne le regardez pas forcément, hein. Je pense que vous pouvez vous en passer de celui-là. Effectivement. Même si vous peinerez pas tellement à le trouver. C'est de la merde. Très bien, nous allons procéder au tirage au sort, mais du coup, puisque nous allons démarrer un nouveau podcast, il n'y a qu'un tirage au sort à faire, puisque ce ne sera plus qu'un épisode du Vidéoclub par mois, qui sera en alternance avec l'autre projet. Exactement. Parce que si on continue à en tirer deux... Bah, ça fait un peu sur le long terme. Ouais, maintenant, on tirera à chaque épisode et un seul. Voilà. C'est à qui de tirer, du coup ? Oh, bah, allez, je te laisse la priorité pour ce nouveau format. Je te laisse l'honneur. Je mélange. Et stop. Alors, j'ai un papier. Eh bien, ça faisait longtemps... qu'on l'attendait, puisqu'il s'agit de Charlie, le film original de Mark L. Lester. Eh bien. On a fait toutes les autres adaptations et suites de Charlie, on va enfin traiter du film de base. Je le connais, moi, je sais pas si tu as vu, toi. Oui, je l'ai déjà vu. C'est un film qui m'est tout à fait sympathique, dans mon souvenir. Oui, moi aussi, donc on va voir à la revoyure, mais il n'y a pas de raison. Ouais, voilà. Bon, bah, voilà, ce sera ça pour dans un mois, à peu près. C'est ça. Donc elle est à mi-octobre aussi, mes calculs sont bons. Normalement elle est à mi-octobre, ouais, ce sera ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky, @Christ-6 The Lost Tales pour moi, sur Blue Sky également. Hein. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Tous les liens seront en description, hein, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Je fais des vidéos sur YouTube, sur le cinéma asiatique. Pareil, n'hésitez pas à passer regarder ça, pardon. D'ici un mois, du coup, premier numéro de notre podcast dont on n'a toujours pas de titre. Voilà. Ouais, oh, on a des pistes quand même. Sur les attaques animales. Et logiquement, le premier film a été choisi. Oui. Est-ce qu'on l'annonce tout de suite ou est-ce qu'on le garde pour la prochaine fois ? Ah non, non, gardons-le. Gardons-le. Mais normalement, on a un sacré sujet. Hein. Oui. Brûlant. Ouais. On va surfer sur l'actu. On va vous dire ça. Vous attendez pas de la qualité, par contre. Hein. Oui, bon, de toute façon, c'est un podcast sur les attaques animales. Hein. Je pense que si les gens écoutent ça, ils s'attendent pas à de la qualité, il faut pas déconner. Ou alors, sont vraiment très très crédules et ils ont vraiment beaucoup d'optimisme dans la vie. C'est vrai qu'une fois que le top vraiment sera défini, il bougera pas beaucoup. Hein. Quand les meilleurs seront tombés, ça évoluera pas beaucoup au niveau du top 5. Donc voilà, bah, y a tout ça qui se prépare, ça va être bien. Nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour parler de Charlie. De Charlie. Et il aura mis du temps à tomber, celui-là. Ouais. À bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.